bébé, mototo a shaba, kamata nusu, lakini oache nusu. Kiria. Yvonne Mbombo, Bibi l'oiseau raro, salina vraiment nini. Bibi, international, toute la ville en parle depuis à Santena. Express sur Esali Sokiki.